Pour moi, trier, c'est donner une nouvelle vie à mes bouteilles. Je trie, ça se renouvelle. On est dans cette logique de protéger la planète pour nos enfants. Quand je vois les dégâts qu'on est en train de faire, en tout cas, moi, je le verrai certainement pas, mais mes filles, oui. Ça peut paraître un petit geste, un petit effort, mais trier, c'est donner conscience aux autres qu'on a tous une responsabilité. Trier, c'est donner du répit aux ressources de la planète. Oui, trier, c'est donner. Comme Mathieu, Patrick et Darren, rejoignez le mouvement sur trierc'estdonner.fr, une initiative de Citeo. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il s'agit sans doute d'un des sujets les plus controversés du moment. Il concerne les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Le neuro-endocrinologue Jacques Balthazar, professeur émérite à l'université de Liège, s'intéresse à ces questions depuis ses premiers travaux sur la testostérone chez les cailles et les canards, où il a pu observer les effets des hormones sur le comportement de ces animaux. Il n'a cessé depuis d'observer les mécanismes de différenciation également chez les humains. Il publie aux éditions Humaine Science « Quand le cerveau devient masculin » et c'est toute la question du déterminisme biologique et des différences sexuelles cérébrales qui est au cœur de cet ouvrage politiquement incorrect. Jacques Balthazar est mon invité dans un instant et il répondra en direct à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. On s'intéresse à un petit oiseau victime de la gastronomie française aujourd'hui à la une de la science. Oui, le bruant ortolan est en déclin et le braconnage est à l'origine de son extinction. La preuve est publiée par des chercheurs français, on en discute dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée cette semaine à l'enseignement des sciences humaines en médecine. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Et mon invité Jacques Balthazar n'étant pas encore arrivé dans ce studio, eh bien nous allons passer tout de suite, tel un cabri, à la une de la science. Bon, là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends, et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon Homer, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Voilà, c'est peut-être très bon, mais on se contentera de croire Maïté sur parole, car la tradition millénaire du gobage de ce petit oiseau migrateur est à l'origine de son extinction, et c'est aujourd'hui la une de la science, Axel Villard. Et oui Mathieu, une étude internationale en apporte la preuve aujourd'hui dans la revue Science Advances. En 2016, déjà un recensement montrait que les populations de bruants ortolans avaient diminué de 88% en 35 ans. Aujourd'hui, c'est l'impact du braconnage, surtout dans le sud-ouest de la France, qui est calculé. Il représente au moins 50% de ce déclin. Un travail mené sur les traces du petit migrateur aux quatre coins du globe et que vous avez coordonné, Frédéric Giguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors pourquoi est-ce que l'impact du braconnage que vous calculez aujourd'hui était important à démontrer? La preuve du déclin n'a pas suffi à faire stopper cette pratique en 2016? Alors, c'est toujours une question importante de savoir si les individus qu'on va prélever dans une population seraient de toute façon morts naturellement par la suite, donc on a une mortalité qui peut être compensée, ou si elle est additive, si elle a lieu en plus de la mortalité naturelle. Donc on est là, les scientifiques, pour développer des modèles et intégrer ce type de paramètres et voir en quoi une mortalité supplémentaire peut effectivement avoir un impact sur l'état de santé des populations. Comment se passe le piégeage de ces oiseaux exactement? Alors, comment il se passait dans le cadre de la chasse traditionnelle? Donc c'est terminé, on ne le chasse plus? Alors, a priori, oui. Suite à cette étude et à différentes décisions politiques, il semble que depuis 2 ans, en fait, les chasseurs, et d'ailleurs la Fédération départementale des Landes, a appelé officiellement à stopper cette pratique. D'accord. Sur l'ortolan. Donc normalement, il n'y a plus de chasse à l'ortolan en France et en Europe. Ce qui peut permettre à l'espèce de tenter de survivre aux autres problèmes auxquels doivent faire les oiseaux aujourd'hui. Alors comment faisait-on ? Alors, le principe en fait était basé sur une connaissance naturaliste très forte de l'espèce et de sa migration. L'ortolan en migration vole assez bas et pousse des petits cris. L'étendeur capturer des oiseaux, les garder d'une année sur l'autre et les placer dans des cages au sol, sur des sites où ils vont attirer les oiseaux qui passent en vol, les migrateurs, qui vont crier, mais les oiseaux dans les cages au sol vont leur répondre et ça va les attirer, les faire se poser. Et ensuite, il y a des petites cages au sol avec des graines dessous. Quand les ortolans sauvages vont aller au sol et se diriger vers les graines, ils vont marcher sur un petit système de déclenchement qui fait tomber la cage. Ils se retrouvent prisonniers. Alors pour aller jusqu'au bout de la tradition, ensuite ils étaient engraissés et puis on les mangeait après les avoir noyés dans de l'armagnac. A priori, c'est ça, tout le plat traditionnel, c'est ça. Oui, alors sur Internet, on peut trouver, ou dans différents documents, différentes recettes, différentes références. Il y a même une description de recettes dans l'encyclopédie. Donc ça remonte à très longtemps, mais oui, il y avait différentes manières de le préparer. Et un mets qui a aussi été largement défendu par certains grands chefs étoilés en France. Alors, vu que c'est la première fois que c'est fait, comment vous y êtes-vous pris pour démontrer que ces captures jouaient un rôle important dans le déclin de ces populations d'oiseaux, puisque c'est ça qui est important dans votre travail publié aujourd'hui? Oui, alors la première étape a été de déterminer combien d'ortolans passaient par le sud-ouest de la France, d'où ils venaient et quel était l'état de ces populations. Donc là, ça a nécessité la mise en place de trois méthodes principales, de la génétique pour cartographier les populations européennes et pouvoir attribuer les oiseaux capturés en France à une origine génétique. Des isotopes stables, donc là de la chimie réalisée sur les plumes et la composition des plumes pour savoir où les oiseaux sont allés passer l'hiver et quand on les capture en migration chez nous, où leurs plumes ont poussé pendant la saison de reproduction. Et troisième méthodologie, une petite technologie embarquée, des photomètres qui enregistrent l'intensité de la lumière en permanence que l'on doit récupérer l'année suivante et qui vont nous permettre de retracer le trajet de migration de l'oiseau à partir des informations sur la durée du jour et l'heure du midi solaire ou du minuit solaire également, qui nous permettent de replacer l'oiseau en longitude et latitude. Est-ce que vous utilisez les techniques des chasseurs pour attraper les ortolans et les marquer, vous aussi? Alors oui, on attire les ortolans avec leur chant. Ouais. Par contre, on n'utilise pas d'ortolans captifs. On utilise des magnétophones qui diffusent le chant ou les cris de l'espèce. Alors vous avez parlé des géolocalisateurs pour un oiseau qui fait 30 grammes. On a du mal à imaginer à quoi ça ressemble sur l'animal. Alors c'est un tout petit appareil. Hein. Ce qu'on a utilisé pèse un demi-gramme. Ils sont fixés sur le dos de l'oiseau en fait avec ce qu'on appelle un leg loop. C'est une sorte de cordelette en 8 qui va faire le tour de chaque patte. Donc l'oiseau a son petit sac à dos avec un petit tube, une petite antenne qui va diriger la lumière vers le photomètre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire en continu, les données qui vous viennent de ces appareils? Alors, les données sont enregistrées, mais on doit récupérer l'appareil l'année suivante pour pouvoir accéder aux données. Donc, ça nécessite que l'oiseau ait survécu, qu'il soit revenu au même endroit, qu'on le retrouve et qu'on arrive à le recapturer. C'est quoi la durée de vie d'un ortolan, à peu près? Alors, les taux de survie qu'on a estimés sont de 66% à peu près. Ça veut dire que la durée de vie des adultes, en moyenne, ça doit être 5-6 ans. Mmh. Alors, je disais en introduction que c'est au moins 50% du déclin qui est dû à ces piégeages. Alors, quelles sont les autres raisons qui font que ces animaux déclinent aujourd'hui? Alors, comme beaucoup d'oiseaux des milieux agricoles, on va dire que la principale cause de déclin de l'ortolan, qui est en déclin donc depuis très longtemps, c'est les grands changements des milieux agricoles, la disparition des haies, la disparition des insectes. Mais il est vrai que avec nos modèles et ayant identifié les populations d'origine prélevées en France, on s'aperçoit que ces populations-là sont deux fois plus en déclin que toutes les autres populations d'ortolans, que ce soit en Russie, en Italie, en Grèce, etc. Et que quand on fait des modèles un petit peu plus compliqués avec des matrices de Leslie et compagnie, on s'aperçoit que les prélèvements estimés en France dans les années récentes contribue pour moitié à la tendance de ces populations. Et donc ça paraît assez logique qu'effectivement les prélèvements en France étaient responsables, enfin doubler le déclin de ces populations particulières. Alors ça ne veut pas dire que maintenant qu'on a arrêté, on n'a pas sauvé l'ortolan, parce qu'il lui reste les mêmes contraintes que partout ailleurs en Europe, et donc un déclin qui peut continuer, mais maintenant on sait que voilà, si on agit correctement sur les systèmes agricoles, nos systèmes de production, la politique agricole commune, on a plus de chances de sauver l'ortolan. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des braconniers, des gens qui seraient surveillés ou condamnés? Est-ce qu'on voit que ça continue? Alors a priori, ça ne continue pas. Il n'y a pas eu de procès-verbaux, je crois, sur les deux dernières années. C'est une bonne chose. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui s'est effectuée. Hein. Cet article, il n'est pas là pour essayer de montrer du doigt ou de culpabiliser certaines pratiques. Il est juste là pour essayer de poser, grâce à un collectif académique, des faits et de dire que voilà, la bonne décision a été prise et je crois que tout le monde peut se satisfaire de la décision politique qui a été prise. Ça veut dire que vous êtes prêt à le refaire pour d'autres oiseaux s'il le faut ? On est prêt, tout est prêt et je pense que c'est aussi une excellente solution de confier ce type de résolution de conflits à des chercheurs académiques objectifs et indépendants. Voilà, Jacques Balthazar, vous nous avez rejoint dans ce studio, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Vous n'avez jamais travaillé sur les ortolans, vous ? Je n'ai pas travaillé sur les ortolans, je les ai vus beaucoup migrer, mais je suis ornithologue de terrain à mes heures perdues, donc... Les oiseaux m'intéressent énormément et je connais la problématique qui vient d'être développée ici. Voilà, vous, c'est plutôt la caillou le canard. C'est caillou canard, c'est des espèces domestiques qu'on élève en captivité. Bon, c'est dans un chose. Instant. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et Jacques Balthazar, on se retrouve dans un instant. Merci Axel, à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, les chimpanzés du Gabon mangent de la tortue en cassant leur carapace comme on casse une noix de coco. Eh bien, c'est la première fois que des reptiles sont documentés comme nourriture pour ces grands singes. Mais en même temps, omnivores, ça n'est pas étonnant non plus, précisent les auteurs de l'étude. La méthode pour casser la carapace est plus surprenante. Les singes frappant la tortue contre le tronc d'un arbre jusqu'à ce qu'elle craque et ensuite se délecte de la chair crue. Pardon pour les détails. La flottille Starlink de satellites d'Elon Musk inquiète les astronomes à la queue leu dans le ciel. Les 60 micro-satellites lancés la semaine dernière par la société SpaceX ont été repérés en pleine nuit par plusieurs astronomes amateurs, formant une ligne de points brillants, visibles à l'œil nu. Le problème, c'est que ce petit train de l'espace était un test qui devrait normalement servir à en envoyer 12 000 autres pour apporter Internet partout dans le monde. 12 000 points lumineux, c'est plus que le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre. Et puis pour terminer, un robot pour cueillir les fruits et légumes fragiles, testé pour la première fois dimanche dernier en Angleterre. Un robot guidé par des caméras 3D et des capteurs sensoriels démontre ses talents de cueilleur, capable théoriquement de prélever sans les abîmer 25 000 framboises par jour. Il dépasserait les meilleurs saisonniers humains qui plafonnent à 15 000 selon son constructeur. Et pour cela, il faut que le ramassage d'une framboise ne dépasse pas les 10 secondes. Lors de la démonstration, la seule et unique framboise a été cueillie quand même en 40 secondes. C'est un petit peu long. Allez, quand le cerveau devient masculin, Jacques Balthazar, notre invité dans un instant. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant le dommage, je n'attends personne. Moi de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie. Et c'était la voix, bien sûr, de Michel Polnareff. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Jacques Balthazar, vous êtes donc notre invité cet après-midi. On vous a retrouvé après ce petit retard. Vous êtes neuro-endocrinologue et donc vous publiez chez Humaine Science « Quand le cerveau devient masculin ». C'est un livre qui est paru il y a à peu près un mois et votre éditeur en quatrième de couverture a écrit en caractère gras « Politiquement incorrect, scientifiquement irréprochable ». C'est un sujet effectivement brûlant puisque vous abordez la question des différences sexuelles qui affectent le cerveau entre les hommes et les femmes. Un sujet hautement inflammable. Quelles sont les réactions depuis que l'ouvrage est sorti? Les réactions sont assez modérées. Je m'attendais à plus de controverses. Oui. En fait, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que s'il était temps qu'on sorte un bouquin de ce genre-là, qu'il y avait simplement un seul message qui avait été entendu jusque maintenant en France, en tout cas, et qu'il était temps de faire le contrepoint. Donc... Oui. Le message, quel est-il? Différences sont culturelles? Le message qu'on entend toujours, c'est que les différences sont exclusivement culturelles quand on admet même qu'elles existent. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'elles sont culturelles, bien évidemment, mais qu'elles sont aussi basées sur des phénomènes biologiques en partie. Alors, c'est ça l'idée du livre, hein, justement, c'est de montrer les conséquences des différences biologiques sur la physiologie, mais également le comportement, même les activités cognitives, sans nier pour autant donc l'influence de la culture, ce qu'on appelle l'environnement d'ailleurs, hein, au sens très large. Oui, la culture, on parle de facteurs sociaux, facteurs non sociaux. Oui, c'est ça, parce que la culture, c'est aussi l'éducation, beaucoup de choses. L'éducation, les parents, les congénères, etc. Ouais. Ces différences liées à la biologie, qui évidemment sont essentielles selon vous, elles sont presque passées sous silence aujourd'hui par rapport aux effets de la culture et de l'environnement, justement? En France, c'est très largement le cas. En tout cas, on entend très rarement parler d'effets des gènes sur la structure du cerveau, sur l'intelligence. Par exemple, j'ai vu pas mal d'émissions sur des chaînes françaises où on niait le fait que les gènes puissent avoir une influence sur l'intelligence en général et qui est mesurée par quelque chose de très, très imparfait qui est le quotient intellectuel. Alors que les études montrent très clairement que c'est faible, mais 5 à 10% de la variance, par exemple, dans le quotient intellectuel est expliquée par la taille du cerveau qui elle-même est expliquée pour 50-60% par des effets génétiques. Alors c'est toujours en partie, évidemment, c'est un complément d'information qui vient des gènes et des hormones auquel évidemment s'ajoute toute l'expérience que va avoir le jeune enfant à partir de sa naissance, puisque son cerveau n'est pas formé à la naissance, évidemment. Ouais, mais il y a un tabou français sur ces questions-là par rapport aux pays anglo-saxons, parce que vous dites 90% de la littérature est anglo-saxonne sur ces questions-là. Il semble qu'on aborde les questions génétiques hormonales avec beaucoup plus de décontraction que dans notre pays. Pour quelle raison, à votre avis? C'est très difficile à cerner, en fait. Moi, je suis pas sociologue, hein, mais moi, je vois plusieurs choses. D'une part, la prééminence de la psychanalyse qui est restée très forte en France alors qu'elle a tout de même perdu beaucoup de ses adeptes dans le reste du monde, mis à part l'Argentine, ces deux exceptions étranges. Il y a le fait que tout ce qui est contrôle biologique, déterminisme biologique inquiète les gens et est associé aussi à des opinions de droite plutôt que des opinions de gauche. Et la France, l'intelligentsia française a toujours été plus portée vers la gauche que vers la droite. Il y a le fait qu'on a eu l'influence de Simone de Beauvoir qui a fortement encouragé tout le mouvement constructiviste qui dit justement que toute la personnalité et même l'identité sexuelle d'un individu se crée uniquement en réaction à son environnement. Quand on combine tout ça, peut-être qu'on arrive à une explication, mais je n'ai pas une explication ferme. Mais il faut être un scientifique belge pour publier ce type d'ouvrage. Vous avez l'impression que vos confrères français sont très frileux aussi sur la question? Les confrères français sont d'accord avec vous au fond. Il y en a plupart. En France, je n'ai pas eu beaucoup de retours. Je connais quelques scientifiques français qui sont du même avis que moi. Philippe Breneau, que vous avez déjà invité ici, vient de publier un bouquin qui parle un petit peu de la même chose. Michel Raymond, à Montpellier, raconte la même chose. Mais à côté de ça, personne n'ose aborder ce sujet en France. Oui. Alors que tous mes collègues, je reviens, j'étais la semaine dernière en Sicile à une conférence sur les différences sexuelles, mis à part un des exposés qui niait l'essentiel, il y avait 45 exposés qui présentaient tous les arguments qui montrent que notre comportement et notre cerveau sont différenciés sexuellement en réponse à des phénomènes biologiques, hormonaux et génétiques. Alors évidemment, vous comprenez que le contexte est tout à fait particulier. Hein. La société est en train de changer, et heureusement, en ce qui concerne la place bien des sûr, femmes, il était temps. Et c'est vrai que ce type de discours aujourd'hui est compliqué à entendre. On va revenir dans les détails, hein, parce qu'évidemment, pour les auditeurs qui se branchent en ce moment sur France Inter, ils disent de quoi ils me parlent exactement. Donc évidemment, on va suivre votre processus et la façon dont vous avez travaillé sur ces questions pour comprendre exactement quelles sont ces différences biologiques que vous notez, et qu'on peut d'ailleurs comprendre pour certaines d'entre elles, simplement en étant un petit peu observateur de la biologie humaine. Est-ce que d'abord il est aisé de dire exactement quelle est la part exacte du biologique ou du culturel dans les différenciations entre les deux sexes? Parce que vous dites vous-même, c'est quand même très compliqué. On sait beaucoup de choses chez l'animal, oui, mais pas chez l'animal humain. Oui. Alors, ce n'est pas facile, de toute évidence. Chez l'animal, ça va être probablement, chez les rongeurs, qui sont les modèles les mieux étudiés, ça va probablement être 80-85% de biologique et un petit peu de culturel tout de même, parce que la mère interagit avec ses ratons mâles et ses ratons femelles de façon différentielle, mmh, et ça a des conséquences à long terme pour leur sexualité, pour leur développement cognitif, etc. Mmh. Chez l'homme, c'est beaucoup plus difficile et ça va varier énormément en fonction de la réponse qu'on va vouloir regarder. Alors, si on regarde les différences d'orientation sexuelle, donc le fait d'être homo ou hétérosexuel, ou d'identité de genre, le fait d'être cis ou trans, là, je pense que les données actuelles montrent énormément d'influence des facteurs biologiques et très peu des facteurs culturels. Moi, si je devais mettre un chiffre, je dirais 80-80-20 ou 90-10. Si on parle des phénomènes cognitifs comme les aptitudes aux rotations mentales, par exemple, ou les aptitudes verbales, là, à mon avis, moi, je mettrais 20-30% au biologique et le reste. C'est à la louche, quoi, ce que vous nous dites. C'est un peu à la louche. Ça manque de précision, quand même. Ça manque énormément de précision parce que il est impossible dans l'espèce humaine de faire les expériences qui permettraient de quantifier le phénomène, évidemment. Mmh. Les expériences consisterait soit à mettre de la testostérone chez les embryons, soit à l'enlever, soit à faire des manipulations génétiques. Tout ça est bien évident. Pour des questions éthiques. Impossible, impossible. Mmh. Et heureusement d'ailleurs, on ne rêve pas que ça puisse se produire un jour. Et donc, on reste sur des corrélations avec des variations individuelles, avec des maladies, etc. Et on ne sait jamais tirer des conclusions fermes. Mais quand on met tout ensemble, on se rend compte qu'il y a des influences de toute façon. Quoi. Ouais. Et corrélation n'est pas causalité. Et corrélation n'est pas causalité, hein, bien entendu, parce que le cerveau contrôle le comportement, mais le comportement contrôle également le cerveau et modifie sa structure. Ouais. Justement, toute cette part biologique et cette différence, on peut l'étudier parfaitement, cette différenciation, ce dimorphisme chez les espèces animales. Et vous avez commencé par là, justement. Oui. Vous vouliez être vétérinaire au départ. Et d'ailleurs, votre discipline neuro-endocrinologie, ouais, elle est plus connue aux États-Unis qu'en France. Oui. Et on travaille sur l'animal aussi beaucoup? Pratiquement tout le monde travaille sur, ouais, l'animal. Bon. Aux États-Unis, il y a 5-6 grandes écoles qui font des recherches sur l'homme. Je dirais que chaque année, ils sortent 200-300 articles, 400 articles qui parlent des hormones et du comportement humain, qui parlent, mmh, des gènes et du comportement humain, mais il en sort des milliers qui concernent le comportement des rongeurs, rats et souris, mais aussi de toute une autre variété d'espèces vertébrées et invertébrées, d'ailleurs. Ouais. Mais alors, Jacques Balthazar, si on peut pas vraiment étudier la question chez l'humain, qu'est-ce qui vous permet de pouvoir écrire un livre comme ça, alors? Voilà. Alors, il y a trois types d'arguments, en fait. Il y a d'une part le fait que nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, et nous avons hérité de toute une série de mécanismes nerveux, comportementaux, etc., qui sont toujours présents, mutatis mutandis, évidemment, on ne peut pas égaler immédiatement un cerveau humain, un cerveau de rat. Il y a d'autre part toute une série de pathologies du système endocrinien ou du système nerveux, mais c'est plus facile d'expliquer pour le système endocrinien, qui modifie les hormones auxquelles sont exposés les embryons et les fœtus pendant la vie prénatale. Mmh. Et tout ça est associé très régulièrement, est étudié et est associé très régulièrement à des modifications de la structure du cerveau, de la structure de l'organisme, d'ailleurs des structures génitales et du comportement. Donc ça, c'est un deuxième type d'argument. Et le troisième type d'argument, c'est qu'on a toute une série de corrélations qui s'établissent entre des variations du comportement humain et des variations de caractéristiques dont on sait qu'elles sont déterminées de façon prénatale. Mmh. Pour vous prendre un exemple relativement simple, on sait que la taille du pénis est déterminée par la testostérone prénatale, sinon un individu va naître avec une vulve s'il n'y a pas de pénis en prénatal. Il y a des petites filles qui sont exposées à trop de testostérone pendant la vie prénatale parce que il y a eu une mutation de la production de cortisol par les glandes surrénales, enfin c'est un détail. On se rend compte que ces petites filles ont toute une série de caractéristiques qui sont masculinisées, alors qu'elles ont été élevées en tant que petites filles. On sait que la croissance des olons, des mains et des jambes et des bras est déterminée en partie par la testostérone prénatale. C'est une mesure assez floue, il y a beaucoup d'erreurs, de variations non expliquées, mais c'est présent. Et on se rend compte que cette longueur des doigts des mains ce rapport des deux doigts, des doigts 2 et 4, est différente chez l'homme et chez la femme, et est également différente chez les femmes qui sont lesbiennes. Donc ça veut dire qu'il y a eu probablement une exposition prénatale à la testostérone qui était un petit peu atypique pour le sexe donné. Mais ça, on le constate chez toutes les femmes lesbiennes, vraiment ? On le constate statistiquement. Alors, on ne le constate pas chez tout le monde. J'ai dit, c'est une mesure qui est extrêmement imprécise. En fait, il y a beaucoup de bruit de fond dans la mesure. Elle explique 25 à 30% de la variance. Mais si on fait une étude statistique sur une centaine de cas, on trouve toujours la différence. Vous dites, les scientifiques rigoureux doivent se contenter du conditionnel. Oui, mais c'est très difficile quand on parle au grand public, parce que si on utilise le conditionnel avec le grand public, on vous répond, ben, vous ne savez rien alors. Or, en fait, on ne sait rien, pour être tout à fait honnête, on émet simplement des hypothèses que l'on teste. Et c'est ça la science. On émet une hypothèse et on la teste. Et on la teste de façon variée, et tant qu'on n'a pas pu l'éliminer parce qu'il y avait une hypothèse contraire, cette hypothèse tient. Alors ça a l'air extrêmement faible comme forme de raisonnement, raisonnement scientifique en général, mais c'est ça qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune alors qu'on n'y était jamais allé, et on a fait d'hypothèse en hypothèse, on a réussi à construire un système. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. On va écouter l'extrait de cette pièce de théâtre pour illustrer notre propos. Un jour, une femme me dit « Ah, ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas que mon mari qui est comme ça. J'ai un peu mal au dos. » Et généralement, c'est lui qui monte l'aspirateur qu'on range au premier étage à la maison. Mais l'aspirateur peut être au pied de l'escalier. Il peut monter 5 fois en passant à côté de l'aspirateur sans le prendre. Évidemment, il l'a vu et il fait exprès de ne pas le monter juste pour m'embêter. Alors qu'en fait, mesdames, c'est pas ça du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne montait pas l'aspirateur ? Parce qu'il montait pour aller se coucher. Il ne montait pas pour monter l'aspirateur. On est extrêmement séquentiel. Voilà, illustration caricaturale, évidemment, des différences entre les hommes et les femmes. Mais quand même, Jacques Balthazar, pour aller dans ce que vous nous expliquez dans cet ouvrage, est-ce que les différences biologiques jouent vraiment sur nos comportements, alors? Elles jouent bien sûr, enfin, tout ça est caricatural au départ, mais il n'en reste pas moins qu'à la moyenne, on retrouve des différences de stratégie comportementale entre les hommes et les femmes qui sont très reproductibles. Maintenant, vous allez toujours trouver une femme qui est plus masculine qu'un homme dans un type de comportement donné, et l'inverse. Donc c'est des distributions qui sont avec énormément de recouvrement. Mais si vous faites des moyennes statistiques entre les deux groupes, vous retrouvez une différence très souvent dans des tâches, dans des comportements comme le multitasking versus la focalisation sur une tâche unique, qui était l'exemple qu'on entendait ici dans l'extrait, comme dans les aptitudes à lire ce que pense votre interlocuteur et à réagir émotionnellement en fonction de ça. Les femmes sont plus douées que ça, en moyenne, à nouveau. Oui. Et les aspects de systématisation, de géométrie, de rotation tridimensionnelle dans l'espace, en moyenne, à nouveau, les hommes sont un peu plus doués. Mais ça, quand on vous lit, on se dit, mais c'est des vieilles thèses, on est revenu là-dessus depuis bien longtemps, et on sait bien que c'est pas vrai, et que la biologie n'a rien à faire là-dedans, et que, évidemment, chacun, selon son sexe, peut avoir tel ou tel comportement. Ben, chacun, selon son sexe, pourra se retrouver n'importe où dans la distribution, plus ou moins. Sauf que ces deux distributions, qui sont des U inversées, là, vous avez déjà vu ces courbes statistiques, et qu'aux deux extrêmes, ben, vous n'allez plus trouver que pratiquement un seul sexe. D'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Alors tout ça n'a pas l'air d'être très important, évidemment, mais si vous cherchez quelqu'un qui est extrême dans les dons pour faire une chose donnée, vous le trouverez probablement dans un sexe à un extrême donné. Mais ça ne justifie en rien une discrimination entre les sexes dans l'occupation d'une profession, dans le choix d'une activité, parce qu'il y a tellement de variabilité entre les sexes et intrasexes que tout ça ne justifie aucune discrimination, mais on se retrouve avec des différences. Et si on peut reprendre un exemple, qui est l'exemple de l'agressivité, où on sait très bien, ça on l'admet depuis longtemps, que les hommes sont un peu plus agressifs que les femmes, mais en moyenne, ça n'a pas de conséquences dans la rue quand vous baladez dans Paris. Sauf que si vous prenez ces deux courbes qui se recouvrent très largement, et que vous allez aux extrêmes, et que vous vous rendez compte que pour avoir des ennuis avec la justice, il faut être à un des extrêmes, et là, dans cet extrême, vous retrouvez 9 hommes pour une femme, et bien vous prenez les statistiques d'incarcération dans les 221 pays du monde pour lesquels on les a, c'est au moins 90% d'hommes dans tous les pays. Donc 90% des hommes, mais c'est quoi, c'est la testostérone en l'occurrence? Alors c'est plus compliqué que ça, c'est la testostérone en partie, en partie probablement le chromosome Y aussi. On sait que 2Y, si vous avez 2Y, vous êtes plus agressif encore, mais les mécanismes précis ne sont pas toujours connus, il faut bien se rendre compte. Patrice demande sur franceinter.fr, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment pour vous qui arrivent, la différence justement entre les cerveaux des deux sexes n'est-elle pas moindre jusqu'à la puberté ? elle est moindre jusqu'à la puberté, elle s'amplifie à la puberté parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a un effet de l'expérience, et cette expérience va être différentielle, mais il n'en reste pas moins que à la naissance, on retrouve déjà une différence dans le poids du cerveau des petits garçons et des petites filles, alors que la différence de poids corporel n'est pas importante, et que dans certaines régions précises du cerveau, les garçons ont des zones qui sont plus largement développées, et les petites filles ont d'autres zones qui sont plus largement développées. Et chose surprenante, évidemment, ces zones plus développées chez les filles sont les zones liées aux sensations, aux émotions, à l'intersubjectivité, et les zones plus développées chez les garçons sont liées à la motricité, et des choses comme ça. Donc on a déjà, dès le premier jour de vie, des différences qui sont présentes, mais qui vont s'amplifier. Jacques Balthazar, notre invité cet après-midi avec cet ouvrage « Quand le cerveau devient masculin ». Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, c'est de rejoindre son cœur. Tu te lances dans Yel, c'était les bruits de la ville. La tête au carré sur France Inter. Donc posons-nous sérieusement la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes? Eh bien, la réponse scientifique est oui et non. Non, parce qu'il existe dans le cerveau des régions qui contrôlent les fonctions associées à la reproduction sexuée. Par exemple, il y a des neurones dans le cerveau des femmes qui vont s'activer chaque mois pour déclencher l'ovulation. Et bien sûr, on ne verra pas ce type d'activité dans le cerveau des hommes. Mais en ce qui concerne maintenant les points qui nous intéressent le plus, à savoir les fonctions cognitives, l'intelligence, la mémoire, le raisonnement, l'attention, les capacités d'imagination, et bien dans ce domaine, Les recherches en neurosciences s'accordent pour montrer que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités cérébrales. Voilà, c'était la neurobiologiste Catherine Vidal, que vous connaissez bien, Jacques Balthazar, puisqu'en général, quand on organise un débat en France sur la question, pour ou contre cette question-là, on invite face à vous Catherine Vidal, qui est souvent venue d'ailleurs dans l'émission, au micro de la tête au carré. Alors, vous étiez d'accord avec elle sur la première partie, concernant les hormones, sans problème, oui. Voilà, et sur la seconde, pas du tout, évidemment. Du tout. Elle a dit, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et c'est là que, évidemment, on arrive sur un terrain glissant avec vous, parce que vous dites, ben si, on a. Si, il y a des centaines, voire des milliers de papiers qui les démontrent. Bon. La thèse de Catherine Vidal est que les hormones n'influencent plus le cerveau humain au-delà de ce qui est l'hypothalamus, c'est-à-dire les zones qui contrôlent la reproduction. Bon, on a l'évidence anatomique que les récepteurs à ces hormones sont bien présents là-bas, qui sont connectés de la même façon. On a des évidences développementales montrant que si ces hormones ont un problème et dévient de la trajectoire normale, il va y avoir un problème de développement. Mmh. Et on a plein d'évidences démontrant que ces hormones affectent différents types de comportements, comme l'orientation spatiale, par exemple, qui varie en fonction des stades du cycle hormonal de la femme. Alors, c'est pas du tout ou rien, mais il y a une influence du niveau d'hormones au cours du cycle chez la femme sur les différentes activités cognitives comme l'orientation et comme l'empathie. Il y a une influence du vieillissement et de la ménopause sur ces phénomènes. Les gens, les personnes qui sont transsexuelles et qui demandent à changer de sexe subissent des traitements hormonaux importants pour les faire changer de sexe morphologiquement. Et ces gens rapportent tous qu'ils ont été absolument ébahis par les changements d'émotivité, d'activités cognitives diverses, etc., qu'ils ont subi suite à ces traitements hormonaux. Mais Jacques Balthazar, par exemple, sur l'orientation géographique, spatiale, des femmes ou des hommes d'ailleurs, oui. Il y a vraiment des études sérieuses là-dessus? Oui, bien sûr. On a des résultats? Il y a des résultats. Il y a d'abord des résultats chez le rat, qui démontrent que... Ah, moi, je parle de l'humain. Oui, alors, oui, mais... Ouais. Il faut toujours repartir de la base. Les résultats les plus solides sont chez le rat, où on peut modifier les capacités à un rat mâle ou femelle à s'orienter dans un labyrinthe en le traitant avec des hormones. Et on se rend compte que, alors c'est pas des effets du tout ou rien, mais vous aurez 10-20% de variabilité et de plus ou moins grande aptitude chez des femmes en fonction de savoir si elles sont en phase lutéale ou en phase folliculaire, donc en phase d'ovulation ou pas, en fonction de leur âge, etc. Alors l'âge est une variable confondante, donc il faut la retirer, mais vous pouvez avoir des femmes de même âge qui sont ou qui ne sont pas ménopausées, vous pouvez avoir des femmes de même âge qui sont ménopausées, qui prennent ou qui ne prennent pas un traitement substitutif aux œstrogènes, et vous vous rendez compte que tout ça affecte le comportement. Guillemette nous dit, je ne sais pas si vous allez aborder ce sujet, mais j'aimerais beaucoup savoir si votre scientifique a remarqué des différences dans le domaine de l'empathie entre le cerveau masculin et féminin. Oui, en fait, moi je n'ai pas étudié le problème, mais il y a divers chercheurs qui se sont focalisés sur ce sujet. Il y en a un notamment qui travaille à Cambridge, qui s'appelle Simon Baron Cohen, qui a montré seulement deux grands types d'études qui, à mon avis, sont extrêmement démonstratives. Donc il a établi des scores, il a établi des tests d'empathie qui consistent essentiellement à montrer des yeux d'une figure humaine, donc une photo d'yeux d'une figure humaine, et à demander quelle est l'expression qui est présentée par ses yeux, donc agressif, anxieux, heureux, etc. Alors on se rend compte que les femmes réussissent ce test mieux que les hommes en moyenne, alors tout en étant que certains hommes arriveront à des scores féminins. On se rend compte aussi, et là c'est beaucoup plus intéressant, que ces scores sont négativement corrélés avec la testostérone prénatale. Alors, ça veut dire quoi, négativement corrélé? Alors ça veut dire que plus vous aviez de testostérone pendant la vie fœtale, moins vous êtes bon dans ce test d'empathie. Et moins vous aviez de testostérone, meilleur vous êtes. Et ça, c'est de la testostérone qui a été mesurée dans des amniosynthèses. On ne peut pas mesurer la testostérone chez un embryon pour des raisons expérimentales. Mais ce que Simon Baron Cohen a fait, c'est retourner dans tous les hôpitaux où on avait fait des amniosynthèses pour des raisons médicales, doser la testostérone. Et il a eu une corrélation, donc un lien positif, un lien négatif par contre entre l'empathie et à l'âge de 7-8 ans, et le taux de testostérone qu'avait cet embryon au milieu de sa vie fœtale. Donc ça, c'est un type d'évidence. L'autre type d'évidence qu'il a récolté, c'est qu'il a repris des bébés pendant leur premier jour de vie à l'hôpital, donc le jour de la naissance. Ces bébés n'ont quasiment pas interagi avec leur mère. On leur met des layettes blanches pour que l'expérimentateur ne sache pas, ne puisse pas savoir quel est le sexe de l'enfant. Et soit on lui présente une figure humaine, soit on lui présente une photo de cette figure humaine où toutes les couleurs ont été mélangées, donc toutes les caractéristiques de couleur, de densité, etc. sont les mêmes. Mais cet objet est au bout d'un bâton et il est mobile. Et on se rend compte que les petits garçons vont préférer regarder l'objet mobile et les petites filles vont préférer regarder la figure humaine. Maintenant, ça ne marche pas pour tout le monde, mais à nouveau, il y a une différence statistiquement significative dès le premier jour de vie. Et c'est la base de cette différence d'intérêt pour l'interaction et pour l'interaction humaine et pour le visage humain qui, bien entendu, sera renforcée par l'éducation parce que les parents, dès le plus jeune âge, traiteront leurs petits garçons, leurs petites filles différemment. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui va se renforcer. C'est ce que dit une auditrice, hein, Marie-Laure, dit, l'agressivité n'est-elle pas culturelle dans la mesure où on apprend aux filles à être sages, aux petits garçons à être forts, hein. Oui, elle est en partie culturelle, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, les eunuques dans les harems étaient castrés et n'étaient pas agressifs. Les gens qui n'ont pas de chromosome Y ne sont pas agressifs, etc. Donc de nouveau, c'est la même chose. On a une différence qui est présente à la naissance ou qui va continuer à se développer par des mécanismes biologiques jusqu'à 7, 8, 10 ans. Mais tout ça va être... Il y a un relais qui va être pris par les facteurs sociaux, bien entendu. Marie-Hélène dit, l'épigénétique pourrait-elle réconcilier au moins en partie les tenants de l'inné et ceux de l'acquis? D'ailleurs, est-ce que c'est un débat entre l'inné et l'acquis, là, finalement, le biologique pour et moi, le culturel? Pour moi, c'est pas un débat entre l'inné et l'acquis, parce que l'inné, c'est ce qui serait génétique, vraiment. Et là, il y a une petite partie qui est génétique, aussi. C'est surtout hormonal. Mais c'est beaucoup hormonal. Et alors, l'épigénétique peut évidemment réconcilier dans une certaine mesure, parce que les personnes qui sont les plus extrémistes ne seront pas satisfaites avec ça. Mais l'épigénétique, c'est en fait... une influence de l'environnement, mais aussi des hormones d'ailleurs, qui va perdurer après que les facteurs qui ont induit l'influence aient disparu. Ça va en fait modifier l'expression des gènes, l'expression du matériel génétique, de façon irréversible et permanente, et parfois même transgénérationnelle. Et donc évidemment, si vous stressez un jeune enfant, on le sait, si on stresse un jeune rat, il va avoir pendant toute sa vie une réactivité au stress qui va être différente. Et ça, on a pu identifier précisément chez l'animal le mécanisme. C'est une modification épigénétique d'un récepteur de l'axe hypothalamo-hypophyseux surrénalien, donc de l'axe qui sécrète les hormones qui sont liées au stress. Donc ça peut réconcilier, oui. Ouais, l'idée pour vous, c'était justement de proposer un modèle alternatif par rapport à ces débats dont on parle depuis le début de l'émission, ou pas ? Mais c'est pas un modèle alternatif, c'est un modèle inclusif pour moi. C'est un modèle qui reprend tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Pourquoi ce titre « Quand le cerveau devient masculin » Jacques Balthazar? Moi, il m'a choqué ce titre. Oui, j'ai trouvé très excluant pour les femmes. Oui, vous auriez pu dire la différence entre le cerveau des hommes et des femmes. Bon. Alors, c'était mon idée au départ. C'était un bouquin sur les différences sexuelles. Mais ça existait déjà. Non, d'une part, ça existait, puis c'était mon éditeur, pour être tout à fait précis, voulait ce titre. Et en fait, en y réfléchissant, ce titre est assez bien choisi parce qu'il faut se rendre compte que chez les mammifères, dans d'autres classes d'animaux, ce sera différent. Chez les mammifères, un embryon fraîchement conçu, tout jeune, il est féminin en devenir automatiquement. Ses structures génitales deviendront féminines et son cerveau deviendra féminin, sauf s'il y a de la testostérone qui apparaît à un moment donné. Et c'est cette testostérone qui va masculiniser le corps, les structures génitales, mais aussi le cerveau. Et donc le cerveau doit devenir masculin pour obtenir des hommes. Donc c'est les hommes qui sont dérivés des femmes et non pas l'inverse comme on le raconte dans les livres sacrés. On comprend mieux maintenant. Jacques Balthazar, vous êtes notre invité. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr. Stop thinking about Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Pin out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, I swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about now. Too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Toc, c'était Khalid sur France Inter. La tête au carré. Ces phénomènes de plafond de verre, de discrimination à l'encontre des femmes et aussi à l'encontre de certaines minorités. Et donc, évidemment, on peut se poser la question tout à fait légitime de comment essayer de faire reculer ces discriminations. Alors, une tentation qui semble être la plus fréquente, finalement, si vous regardez ce qui se passe dans les médias, c'est de dire, eh bien, on affirme qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Absolument aucune. Et puisqu'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune raison de discriminer les femmes. Donc, fin de l'histoire. Donc ça, c'est une stratégie possible. À mon avis, elle est un petit peu risquée. Elle est un petit peu risquée, pourquoi ? Parce que si demain, quelqu'un arrive avec une preuve qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, tout l'argument s'effondre. Et alors, on se retrouve à poil. C'était Franck Ramu, psycholinguiste, à l'occasion d'une conférence justement sur les différences cognitives entre les sexes à l'Institut d'études de la cognition de l'ENS. Jacques Balthazar, une réaction peut-être là-dessus, parce que vous partagez ça. Je suis en accord total, évidemment. Je pense que améliorer la situation des femmes dans nos sociétés et supprimer la discrimination passe par la reconnaissance des différences qui existent entre les sexes et pas par leur négation. En quoi c'est important alors du coup de reconnaître et de parler de ces différences alors ? C'est important. Vous donnez des exemples concrets du point de vue de la médecine par exemple. Alors en médecine là c'est tout à fait clair évidemment et personne ne peut le nier. Il est très clair que la plupart des essais cliniques et de la recherche expérimentale de base d'ailleurs sur animal ont été faits pendant jusqu'à il y a une dizaine d'années. Presque exclusivement sur des mâles. Donc sans différenciation. Sans différenciation. Souvent, on ne savait même pas, dans les expériences animales, on ne savait même pas quel était le sexe des sujets qui étaient étudiés. Mmh. Chez l'homme, c'était des hommes, bien évidemment. Et il y avait une raison pratique qui est le fait que on n'est jamais sûr qu'une femme ne va pas être enceinte au moment où on lui donne un médicament en test, quelque chose comme ça. Donc il y a un risque supplémentaire. Ouais. Mais c'est une mauvaise raison. Et on s'est rendu compte que, en conséquence de ça, on est arrivé à avoir des tas d'effets secondaires des médicaments qui apparaissaient chez les femmes et non pas chez les hommes. Les hommes toléraient très très bien. Il y a notamment un cas connu d'un médicament pour aider les gens à dormir, mm-hmm. qui a des effets secondaires absolument dramatiques chez la femme. Et donc le NIH, donc le département de la santé américaine, il y a quelques années maintenant, a émis des recommandations, mais qui sont des ordres essentiellement, disant on ne financera plus aucune recherche, qu'elle soit fondamentale sur rat-souris ou sur homme, si être humain, si elle ne concerne pas les deux sexes en même temps. Ouais. Et il y a des très bonnes raisons pour le faire. Maintenant, au niveau de la société, les autres raisons, c'est qu'il faudrait peut-être considérer que les femmes et les hommes n'ont pas ou exactement les mêmes aptitudes ou exactement les mêmes désirs dans la vie et essayer d'adapter la société à cette complémentarité d'aptitudes et de désirs plutôt que d'essayer de mettre tout le monde dans le même moule. Ouais, mais sauf que les choses ne sont pas si tranchées que ça quand même, les caractères, les comportements, tout est poreux quand même, non ? Tout est poreux et donc toute personne, quel que soit son sexe, devrait être autorisée à jouer le rôle qu'elle veut dans la société. Le père peut être un père au foyer élevant les enfants et la mère être une ingénieure ou une mathématicienne. Ça ne pose aucun problème. Mais on se rend compte que statistiquement et en moyenne, on a beaucoup plus de mères au foyer que de pères au foyer. Pourquoi ? Parce que la mère crée un lien avec son enfant qui est absolument irremplaçable et incomparable pendant la gestation et l'allaitement. Oui, on peut aussi vous dire que c'est parce que la société n'est pas du tout organisée pour que la femme puisse aller travailler tranquillement et laisser ses mouvetons à la maison. Voilà, mais si on organise la société comme ça, ce qui a été fait dans les pays scandinaves, on se rend compte que ça aggrave la différence entre les sexes plutôt que de l'amenuiser. Parce que si les femmes ont plus de possibilités de faire du temps partiel, eh bien elles vont le faire, plus que les hommes. Donc je pense que c'est un leurre que de se dire qu'on va équilibrer la société en élevant les petits garçons et les petites filles exactement de la même façon, avec des costumes gris plutôt que bleu et rose. Et qu'on va arriver à une société où tout le monde sera égal. Non, c'est pas désirable en plus. La diversité d'aptitudes, d'interactions avec les hommes et les femmes est tellement riche. Pourquoi voudrait-on normaliser tout ça ? Oui, enfin, sauf que quand c'est basé sur la domination masculine, c'est juste insupportable, quoi. C'est absolument insupportable. Et ça fait des millénaires que ça dure. Nous sommes bien d'accord, ça fait des millénaires que ça dure. Il y a aussi des raisons biologiques derrière ça, d'ailleurs, que Philippe Bruneau explique dans le dernier livre qu'il vient de publier, qui s'appelle « Pourquoi l'amour, c'est si compliqué ?». Et il y a des raisons historiques, biologiques, mais on ne va pas entrer dans ce détail-là. Mais c'est évidemment insupportable en fonction des normes éthiques actuelles, et toute discrimination contre les femmes à travailler égal, salaire égal, etc., c'est tout à fait évident. Céline demande concrètement, qu'est-ce qui est si différent dans les cerveaux des femmes et des hommes ? Alors, ça sera notre conclusion quasiment de cette émission. Qu'est-ce qui est si différent ? Ben, y a le volume global, le volume de toute une série de structures, mais alors on entre dans de la technicité évidemment très très grande si on essaye d'expliquer ça. La connectivité du cerveau est en moyenne assez différente aussi. Les femmes ont plus tendance à avoir des connexions entre les hémisphères, les hommes plus des connexions en antéro-postérieur. Et alors, si on entre dans le domaine des neurotransmetteurs, donc toutes ces molécules qui assurent la communication entre les neurones, là, on retrouve des milliers de différences à nouveau entre hommes et femmes. Mais on entre alors là dans un domaine extrêmement technique. Et de nouveau, ce n'est pas blanc ou noir, quoi. C'est des petites différences, mais qui s'accumulent et qui sont reproductibles entre sexes. Céline nous dit, ce monsieur nie l'entièreté des gender studies. Ce fœtus soumis à beaucoup de testostérone a peut-être été construit comme petit garçon peu empathique. L'empathie s'apprend et nous connaissons beaucoup de femmes peu empathique également, dit Céline. Mais c'est toujours le même argument. Je ne nie pas le fait que l'empathie s'apprenne, mais on part d'une base différente en moyenne. Il faut toujours bien reprendre ce terme en moyenne. Il y a en moyenne des différences avec recouvrement des petites filles peu empathiques, des petits garçons très empathiques. Mais si vous faites une étude statistique, vous retrouvez une différence à tous les coups. Jacques Balthazar s'appelle « Quand le cerveau devient masculin », c'est publié chez Humaine Science. Et vous êtes ce soir à 19h, c'est ça ? Oui, à la mairie du 9e. Donc je refais une conférence d'une heure et demie sur ce sujet. Bon, donc, c'est l'occasion d'aller discuter directement avec vous. Si vous voulez discuter avec moi, c'est l'occasion. Pour ceux qui sont à Paris. Merci beaucoup. Question-réponse après. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Tête au Carré. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Mathieu. Vous nous parlez aujourd'hui de l'enseignement des sciences humaines aux jeunes médecins. Ça va faire mal. Oui, nous allons voir que c'est un sujet d'actualité. Alors, depuis 1993, l'enseignement des sciences humaines est obligatoire pendant la PACES, la première année de faculté commune au métier de la santé. Cette matière a été ajoutée au cursus scientifique par crainte d'une perte de la dimension humaine et sociale des métiers de santé, et son coefficient pour le classement au concours est important. Bon, c'est plutôt bien, non ? Bah oui, le principe est bon, mais il est très diversement mis en œuvre. Le site Mediacité a publié la semaine dernière un dossier assez effarant sur son enseignement à la faculté Lyon Sud. La journaliste Béatrice Camérère s'est intéressée au cours de sciences humaines dispensé par le vice-doyen, cancérologue réputé et charismatique, dont les cours sont appréciés par une majorité d'étudiants, alors que d'autres sont choqués par des thèses très personnelles développées par le professeur Gilles Frayère. Le dossier publié dans Mediacité est donc peu flatteur. Alors, ma première réaction a été la méfiance. Je suis bien placé pour savoir ce qu'il en coûte de s'écarter du consensus mou. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est la police de la pensée. Mais Béatrice Camérère s'est procuré des enregistrements de cours et j'ai donc pu me faire ma propre opinion. Et alors ? Alors c'est dramatique. Sous couvert d'enseignement des sciences humaines, le professeur Frayère assène ses opinions personnelles à de jeunes étudiants tout juste sortis du lycée. Alors, bien sûr, chacun est libre de ses opinions, mais cette liberté doit tenir compte du contexte. Enseigner à l'université, surtout dans le cadre d'un concours, ce n'est pas discuter avec des amis, ou même faire une conférence façon Michel Onfray. Un minimum de neutralité est nécessaire lorsque les sujets polémiques sont abordés. Alors, par exemple ? Alors, bon, je ne peux pas vous faire passer à l'antenne les enregistrements qui sont sur le site Mediacité, mais voici quelques citations authentiques, c'est Gilles Frayère qui parle. L'État cherche à neutraliser la culture commune au profit des droits des groupes minoritaires et d'un universalisme radical, par exemple la déchristianisation des symboles sociétaux. Plus loin, le christianisme est notre culture, il s'agit d'effacer bien entendu nos symboles culturels au sein de notre propre société au profit de l'universalisme et du multiculturalisme. Wow. Et sa tête de turc, si je puis dire, c'est l'idéologie diversitaire qui mènerait à une société du même nom, je le cite encore, « Comment va-t-on éradiquer le racisme ?» En niant le fait que les races humaines existent. Or, les races existent, c'est un fait absolument avéré sur le plan scientifique. Bon, le reste est à l'avenant. Alors, même pas peur, le professeur Freyer. C'est donc du lourd, au point d'ailleurs d'avoir fait réagir la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a saisi en urgence l'inspection générale du ministère. Mais, en fait, ce que je trouve grave, c'est le silence des collègues du professeur Freyer, et surtout de la doyenne de sa faculté Lyon-Sud. Est-ce qu'elle se rend compte de la gravité de la situation? Si les doyens ne remplissent plus leur mission, mais qui pourra protéger les étudiants de ces endoctrinements nauséabonds? Et c'est Santé Polémique, Dominique Dupagne, à réécouter sur franceinter.fr. À mardi prochain, Dominique.